Chers amis, bonjour. Hoy está Laurence otra vez con nosotros porque nos quería hablar de una canción de un cantante que le gusta mucho. Y entonces le dije, bueno, pues ¿por qué nos vienes a explicar una canción bonita que te guste de ese señor? Y me dijo, pues sí, te voy a hablar de Quatre Murs et un Toit. Cuatro paredes y un tejado. Efectivamente, es una casa, ¿verdad? Alors, cette chanson, ¿en qué consiste? ¿Qué dice esta canción? Voilà, alors cette chanson raconte l'histoire d'une maison depuis sa construction jusqu'à sa vente. Et elle nous raconte, cette chanson, que la maison a évolué en même temps que la vie de la famille qui l'habitait. C'est charmant. Donc c'est une maison qui a été construite alors que la femme était enceinte, puis elle a eu son bébé. Ensuite, il a fallu agrandir cette maison, aménager une autre chambre pour un deuxième bébé. Ensuite, les enfants ont grandi, ont construit une cabane dans le jardin pour jouer. Puis à l'adolescence, le grand a voulu être un petit peu indépendant et s'est aménagé sa chambre dans le garage. Et puis la vie passe comme ça. Et à un moment donné, les enfants quittent la maison. Les gens sont aussi un petit peu plus à l'aise puisqu'ils ont fini de payer leur maison, ils veulent apporter des modifications. Et dans la chanson, il nous est dit que le monsieur rêve d'une cave à vin pour conserver ses bons vins français, et alors que madame voudrait une deuxième salle de bain. Ah, oui, et bon. Finalement, c'est elle qui va gagner. C'est elle qui va gagner, voilà. Ça sera une deuxième salle de bain, nous dit la chanson. Ces femmes françaises. Ça, c'est elle française, ça, voilà. Ensuite, la chanson nous dit que les enfants grandissent, ils vont faire des études un petit peu plus loin et ne reviennent que le week-end, les bras chargés de linge. Pour que Comment non. Voilà, et donc la maman va faire les lessives pendant le week-end et les enfants repartiront avec du linge propre le dimanche soir. Et puis finalement, la vie continue, les enfants s'installent à Paris dans des logements trop petits, la maison devient un petit peu grande pour le couple qui y reste, et puis les petits-enfants arrivent, les petits-enfants tant attendus arrivent. Continue et puis voilà, la vie continue et finalement la maison retrouve en fait une nouvelle vie, et la cabane qui était longtemps abandonnée retrouve sa fonction première. Les petits-enfants vont dans le grenier et vont retrouver les déguisements, les jouets qu'utilisaient. Voilà, et passe de vraiment de bons moments. Voilà. Voilà. Et puis finalement, la chanson ne nous dit pas pourquoi les habitants de cette maison vont devoir l'abandonner, vont devoir la vendre. Et c'est un agent immobilier qui fait visiter cette maison à des acquéreurs potentiels et leur raconte de façon tout à fait sympathique que cette maison est hantée, mais qu'il ne faut pas avoir peur et qu'il ne faut pas être incrédule non plus, que cette maison est hantée de gentils fantômes. Et ces gentils fantômes, qui sont-ils? En fait, ce sont les rires des enfants, les disputes aussi entre frères et sœurs. Ce sont les goûters l'histoire en famille. Maison. L'histoire d'une maison qui est en même temps l'histoire d'une famille. En esta casa, yo imagino un objeto que tiene que ser muy familiar, que es el reloj del Franco Condado. Ah oui, effectivement. Qui rythme la vida de las familias, ¿verdad? Voilà. Et en l'occurrence... L'horloge comtoise. L'horloge comtoise. Mais en l'occurrence, c'est pas une horloge qui rythme la vie de la famille. C'est le ronron de la machine à laver. Ah, bien sûr. Bien sûr, les Français sont propres, n'est-ce pas? Il faut bien marcher la machine à laver. Mais merci, Laurence. Alors, nous allons demander à notre technicien de nous envoyer la chanson. Nous allons l'écouter. Maintenant que nous savons de quoi elle parle, nous allons l'écouter. Et puis ensuite, on parlera d'autre chose. À tout de suite. Un terrain vague de vagues clôtures, un couple divague sur la maison future. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants, corrige la femme enceinte. Les travaux sont finis, du moins le gros œuf, ça sent le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Des ampoules à nu pendent des murs du plafond, le bébé est né, il joue dans le salon. On ajoute à l'étage une chambre de plus, un petit frère est prévu pour l'automne. Dans le jardin, les arbres aussi grandissent, on pourra y faire un jour une cabane. On pourra y faire un jour une cabane. Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant, on remplit sans se douter le grenier doucement. Le grand habite le garage pour être indépendant, la cabane c'est dommage, est à l'abandon. Monsieur rêverait de creuser une cave à vin, madame préférerait une deuxième salle de bain. ça sera une deuxième salle de bain. Les enfants vont et viennent, chargés de linge sale, ça devient un hôtel, la maison familiale. On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut et des chambres d'amis, les enfants sont partis. Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment, petit à petit, vêtement par vêtement, petit à petit, vêtement par vêtement. Ils habitent à Paris des apparts sans espace, alors qu'ici, il y a trop de place. On va poser, tu sais, des stores électriques, c'est un peu laissé vrai, mais c'est plus pratique. La maison somnole comme un chat fatigué, dans son ventre ronronne la machine à laver. Dans son ventre ronronne la machine à laver. Les petits enfants espérés apparaissent dans le frigo, on remet des glaces. La cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse, c'est le consulat que rouvrent les gosses. Le grenier sans bataille livre ses trésors, ses panoplies de cow-boys aux petits ambassadeurs. Colonise pour la dernière fois la modeste terre promise, quatre murs et un toit. Cette maison est en vente, comme vous le savez, je suis, je me présente, agent immobilier. Je dois vous prévenir, si vous voulez l'acheter, je préfère vous le dire, cette maison est hantée. Ne soyez pas monsieur, n'ayez crainte madame, c'est hanté c'est vrai, mais de gentils fantômes, de monstres et de dragons, que les gamins savent voir, de pleurs et de bagarres, et de copieux quatre heures. Fini tes devoirs, il est trop lourd mon cartable, laisse tranquille ton frère, les enfants à table. Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Cette chanson, elle est formidable. Et cette maison aussi, que viene esa canción, esa casa. Et en Francia, nos gusta mucho lo de la maison de famille, ¿verdad? Oui. Oui. Et ce concepto, qu'est-ce? Alors, la maison de famille, c'est une maison qui reste pendant plusieurs générations dans une même famille. Et les Français font tout pour la conserver, parce que c'est un lieu chargé d'histoire. Et déjà, la maison de famille, c'est souvent une maison individuelle. C'est vrai que les Français, je pense, contrairement aux Espagnols, ont une tradition d'habiter une maison individuelle. Hein, alors qu'en Espagne, ça se développe depuis quelques années. Oui, l'habitat est plutôt dispersé. Voilà. Et donc, la maison de famille, c'est une maison, en fait, qui est parfois fermée une grande partie de l'année, mais où on se retrouve pour les vacances, pour les fêtes de Noël. Voilà. Alors ça, c'est le côté, c'est le lado agradable de la casa de familia, la casa familiar. El otro lado, el otro aspecto es, claro, ¿quién paga los impuestos? ¿Quién mantiene? ¿Quién arregla las goteras del tejado? Exactement. Que evidentemente tiene? Et souvent, la première préoccupation, c'est, après avoir payé les droits de succession, est-ce que les héritiers pourront conserver la maison, cette maison de famille? Oui. Voilà, el gran problema es la sucesión de las casas familiares, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, pues muy bien. Pues entonces ese cantante, ¿quién es? Alors, ce chanteur a un drôle de nom. Il s'appelle Benabar. En fait, ce n'est pas son vrai nom, Benabar. Et todo junto. Todo junto. No es Ben. Non, pas du tout. Benabar en un seul mot, voilà. Son vrai nom, c'est Bruno Nicolini. Donc c'est un chanteur français relativement jeune, puisqu'il est né en 1969 à Thiers, dans le Val-de-Marne. Alors Benabar, pourquoi Benabar? Eh bien, Benabar, en verlan, ça donne... Enfin, Benabar, c'est la version en verlan de Barnabé. Pourquoi Barnabé? Je vous expliquerai après ce que veut dire le verlan. Barnabé, c'est le surnom que lui donnaient ses copains quand il a commencé à faire de la musique avec eux. Oui, parce qu'il avait un nom de famille imprononçable, évidemment. C'est un étranger, c'est un fils, oui. Un fils d'étranger, certainement. Voilà. C'est un apellido un peu difficile. Entonces le plantaron un apodo, ¿verdad? Exactement. Alors, de Barnabé, on arrive à Benabar, en verlan. Qu'est-ce que le verlan? En fait, c'est une façon, comment dire, d'utiliser la langue en inversant les syllabes. Voilà, une variété de français. Une variété du français, qui est une variété, disons, surtout parlée dans les banlieues en France, qui maintenant est un petit peu passée de mode, mais qui s'utilise encore de temps en temps. Alors, je peux vous donner des exemples en verlan, si vous voulez. Ah, parce que tu parles verlan? Non, mais quelques mots. mots, juste quelques mots, à titre d'exemple. Par exemple, au lieu de dire de quelqu'un qu'il est branché, hein, c'est-à-dire qu'il est dans le coup, on dira qu'il est chébran. Il est chébran. Voilà. Et quand, au lieu de dire que c'est une musique de fou, on dira que c'est une musique de ouf. De ouf. Voilà. Elle est complètement ouf. Exactement. Cette meuf. Et ben voilà, Daniel, vous voyez que vous y mettez au chébran. Cette au meuf, verlan. Ça serait une meuf et une femme, una mujer. Exactement. Une femme, meuf. Voilà, tout à fait. Alors, pour en revenir à Benabar, c'est un chanteur qui a beaucoup de succès en France depuis le début des années 2000. Hein, il a commencé de façon un petit peu confidentielle, mais à partir des années 2000, il est passé beaucoup à la radio, notamment à une radio que j'aime beaucoup qui s'appelle France Inter. Et ça l'a fait connaître en France et il a enchaîné les albums comme ça d'année en année. Alors, qu'est-ce qui me plaît chez Benabar ? J'aime beaucoup ce chanteur parce que ses chansons sont souvent humoristiques. Elles décrivent des faits de la vie quotidienne, des traits de la société et surtout certaines étapes de la vie, et notamment le passage de l'adolescence à l'âge adulte, par exemple, et puis les différentes étapes de la vie comme la construction, l'acquisition d'une maison, comme on disait tout à l'heure. Voilà. Et c'est gracioso parce que... Esta canción, este tipo de canción a mí me recuerda un poco a ese escritor francés de Lerme, que describe cositas muy, muy menudas, pero muy en profundidad, de esas cosas que tenemos muy metidas en el corazón y cuando las leemos dices, ay sí, aquí me veo yo totalmente. Philippe de Lerme. Tout à fait, effectivement. Chaque chanson de Benabar est ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait appeler une tranche de vie, c'est-à-dire qu'en une chanson, il raconte une histoire. Et c'est une histoire, en fait, qui trouve un écho en chacun d'entre nous parce qu'on peut s'identifier facilement à ce qui est dit. Voilà. Muy bien, sí. Es un tipo un poco intimista, ¿no? Es un genre littéraire un peu intimiste qui est transvasé dans une chanson, certainement. Voilà, mais sans jamais perdre l'humour. Il y a beaucoup d'humour dans ses chansons. Et pour ce qui est de l'accompagnement musical, alors ce qu'on peut dire, c'est que Benabar écrit ses chansons, mais compose aussi ses musiques. Ah, comment ça s'appelle, un cantautor ? Un compositeur-interprète. Voilà. Et ce qui est assez particulier et ce qui était nouveau, en fait, quand dans les années 2000-2001, on a commencé à entendre les chansons de Benabar, c'est qu'il y avait beaucoup de cuivres qui rappelaient un peu les fanfares de dans le temps. Il y a la trompette, par exemple, du trombone dans les chansons de Benabar, et on n'était plus du tout habitués à entendre ce genre de son en fait, dans la musique française. Voilà. Donc ça, c'est une des caractéristiques du Benabar, mais parfois, il s'accompagne aussi du piano, tout simplement, ou même, il y a une chanson que j'aime beaucoup, qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui apprend à rouler sans les petites roues sur son vélo, et lorsqu'il chante cette chanson, il est juste accompagné à la contrebasse, par exemple. Ah oui, qui rythme, les progrès de l'enfant, voilà, sur son vélo. Muy bien. Et este cantautor es de quién es escuchado, de gente joven o de gente como tú, que no eres vieja, claro, por Dios, ni mucho menos, pero que eres una mujer madura. ¿Cuál es el público de este cantautor? Je crois que il a un public assez large, en fait, hein, des jeunes de 20 ans, comme les gens mûrs de 40 ans, comme moi. Écoute Benabar et peut-être même des gens un petit peu plus âgés, mais c'est un chanteur qui a beaucoup de fans. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est un chanteur qui est aussi impliqué en fait dans la vie politique et à titre d'exemple ou d'anecdote, lors des dernières élections présidentielles en 2007, il a soutenu la candidature de Ségolène Royal, qui avait organisé, d'ailleurs elle a été un peu critiquée pour cela, un concert au stade Charletti qui réunissait beaucoup de jeunes talents de la chanson française actuelle, dont Benabar, en fait. Oui, eso se hace mucho últimamente entre los políticos, ¿verdad? Asociar a los artistas, los cantantes en particular. C'est une tendance. Voilà, et des deux côtés, en fait, hein, oui. Puisque Nicolas Sarkozy avait aussi ses supporters chanteurs, qui étaient un petit peu moins dans le coup, d'ailleurs, que ceux qui soutenaient Ségolène Royal. Ah, Laurence nos acaba de dar un guiño más simpático, ¿verdad? Qué pena que no se la vea en la radio, ¿verdad? Pues muchas gracias por todas esas explicaciones. Ya lo escucharemos con mucho gusto y ya de otra manera. Y nos despedimos de ti. Oui. Y hasta otro año, que a lo mejor vuelves. J'espère bien. Muy bien. Au revoir. Muy bien. Au revoir, chers auditeurs. Au revoir.